voler. Tous les effets qu'il procure, puis lâche des gros pets, pas loin des petits enfants, c'est sûr. Son cul est au niveau de leur figure. Mais quel enfoiré, c'est ton cul de Marcel. Ce gros Marcel qui s'aime pas bien et qui donne pas envie qu'on l'aime, tant pis pour lui. Ce pauvre Marcel que personne n'aime, alors le pauvre Marcel il reste tout seul chez lui. Il se branle dans son gant de nouilles. Parce que les putes c'est un peu cher, et puis ça donne la ch'touille. Et puis c'est toutes des salopes, c'est sûr. Elles font des bites dans leur grosse voiture. Marcel a de passion, Marcel a de passion. C'est lâcher